Oh là là, Stéphanie et Jean-Philippe, bienvenue. Bonjour, Passifoura. Bon, écoutez bien. Mon premier est un amalgame, une composition. Mon deuxième est nécessaire et imposé. Qui suis-je? Mais voyons, elle est donc bien difficile, celle-là. Je les ai toutes d'habitude, je suis tellement bonne. Allez, on n'a pas toute la journée. Ça me donne faim, moi, de réfléchir comme ça. Oh là là, c'est terminé. La réponse était « Assemblage requis, bien sûr ». Ça me semble juste. Allez, ouste avec vos phrases toutes faites. Pas de clé pour vous. Assemblage requis, avec Jean-Philippe Charbonneau, Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, en direct à partir de 7h30.